David, comment est-ce que vous avez rencontré les mathématiques et pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui le numéro 1, le génie du calcul mental? C'est un peu un hasard. Ma mère me portait dans elle, dans son ventre. Il s'est passé une chose assez extraordinaire et étrange à la fois. Quelle chose? Elle était à la maison en train de préparer une tarte au pruneau. Elle est sortie pour aller acheter du poppers pour mon père. Et sur le chemin, elle a été mordue par Matthew Stone. Mathématique Stone. Il est spécialisé dans les mathématiques. Et le fait qu'elle ait été mordue par lui, si vous voulez, il y a eu une dégénérescence génétique de ma part. Et maintenant, ce qui fait que j'arrive à calculer, faire des calculs mentaux avec ma tête. Vous avez une activité, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis gynécologue antiquaire. C'est-à-dire que je chine dans les chattes. Quel âge avez-vous? On ne sait pas, on n'arrive pas à vous mettre 82 ans. Ah oui, vous faites quand même beaucoup moins. Moins combien? Ça n'a pas commencé. Ah, je croyais que vous m'aviez demandé une équation, c'est pour cette raison. Juste avec ma tête. Je joue avec ma tête. Lorsque David se concentre, il a des poussées de sueur. Je joue avec ma tête.